bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ils sont trois. Ils sont rois, et dans la Bible, plus précisément dans l'évangile de saint Matthieu, ils suivent une étoile qui les conduit vers Bethléem à la rencontre d'un nouveau-né. Ce sont les rois mages. Ils sont pratiques pour décorer la crèche, mais aussi pour faire travailler notre mémoire. Comment s'appellent les trois rois mages? Il en manque toujours un. Il y a Gaspard, Balthazar et Melchior. Oui, bravo à ceux et à celles qui ont donné les trois noms sans hésitation. Maintenant, deuxième exercice de mémoire, qu'apportent les rois mages? Il y a de l'or, il y a de l'encens et de la myrrhe. Oui, une résine aromatique, bravo encore. Enfin, de Gaspard, de Balthazar et de Melchior, lequel est noir? Hésitation, c'est Balthazar. Il est représenté en sculpture, en peinture, en gravure, mais il n'est pas le seul noir de l'histoire de l'art. Loin de là, très loin de là, omniprésente dans nos musées, la figure de l'homme et de la femme africaine était, et c'est paradoxal, pendant longtemps presque invisible. Une histoire de mémoire, sans doute, sur laquelle il est nécessaire de porter un nouveau regard. C'est ce que fait l'historienne de l'art Anne Lafont. Nous l'écoutons aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, des grandes voix d'historiens, d'historiennes, Edgar Morin, Elisabeth Crouzet-Pavant, Alain Corbin, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, et puis des émissions que vous pouvez commenter et discuter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, Anne Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes spécialiste des questions de race et de genre. Ce sont des mots qu'on va définir avec vous. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et avec vous, nous allons faire un petit tour au siècle des Lumières. J'évoquais dans le chapeau d'introduction de cette émission la figure de Balthazar, donc un des trois rois mages, qui est noir, qui est représenté partout. Vous avez étudié la figure de l'Africain, de l'Africaine, dans les œuvres d'art. C'est vrai que pour commencer, on se dit, je suis certain d'en trouver sur les tableaux qui représentent les rois mages. Absolument, oui, c'est tout à fait juste, même si ça vient quand même pas forcément depuis l'origine de la représentation des rois mages. C'est vraiment une figure qui apparaît davantage, je dirais, à la fin du Moyen-Âge et au moment de la Renaissance, et dont les manifestations, je dirais, les plus éblouissantes et les plus marquantes dans l'histoire de l'art viennent avec le XVIIe siècle, et notamment les tableaux de Rubens, en fin de compte. Ce sont peut-être... C'est à partir de ce moment-là que la figure du roi mage, et celle de Balthazar en particulier en homme noir, donc en africain, est tout à fait remarquable. Et avec vous, nous allons discuter justement de ces exclus de l'histoire de l'art, les noirs évidemment. À partir de Balthazar, vous tirez le fil, Anne Lafont, et là vous vous rendez compte que la figure de l'Africain, de l'Africaine est partout dans nos musées. Et puis les femmes également, en fin d'émission dans le cours de l'histoire, nous retrouverons Anaïs Quien pour son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons écouter Claude Lévi-Strauss qui parle du racisme. Nous étions en 1950, dans une émission radiophonique intitulée Forum International. 1950 est une année de tensions particulièrement marquées entre les peuples. Or, chaque fois qu'il y a des tensions entre les peuples, elles cherchent à se justifier par des arguments qui échappent à la réflexion. Et il n'y en a pas qui semblent plus tentants et plus aisément disponibles que ceux qui pourraient se fonder sur des différences héréditaires que nous traînerions avec nous du fin fond des millénaires et que nous serions obligés de transmettre à nos arrières et arrière-petits-enfants. Ce qu'il faut au contraire comprendre, c'est qu'il n'y a rien de plus provisoire que ces différences apparentes et qu'au fur et à mesure que l'histoire et le progrès de la civilisation ont déplacé les frontières entre les hommes, ces caractères se sont mêlés, se sont redistribués, et qu'ainsi c'est une sorte de chassé-croisée interminable que les caractères raciaux ont fait au cours de l'histoire. Claude Lévi-Strauss qui parle d'un chassé-croisé interminable hein, autour des caractères ratios, parce que c'est vrai que quand nous allons aujourd'hui au musée, que nous voyons un tableau, tenez une adoration d'image, n'importe laquelle, Dürer ou une autre, et nous voyons une figure noire, ou un tableau de Rubens, hein, nous voyons Balthazar, c'est vrai que nous le voyons aujourd'hui avec nos yeux d'hommes, de femmes du XXIe siècle. Nous savons qu'il y a eu l'esclavage, qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, une abolition ratée, remise, et puis nous savons et puis toute l'histoire de la ségrégation. Vous, Anne Lafont, vous avez étudié la figure du noir dans les tableaux au siècle des Lumières, donc XVIIIe siècle, disons-le. Cette figure du noir, c'est avant tout ça, c'est avant même l'idée d'abolition de l'esclavage. Un visiteur qui est dans un musée, que voit-il quand il voit une figure noire? En fait, ça dépend de qui il est. Ça varie énormément. Oui, sans doute. Hein, l'expérience de visiteur, quel que soit le tableau, quelle que soit l'œuvre d'art, je pense, est toujours particulière et subjective. Donc, effectivement, on ne peut pas préjuger de ce que ressent chaque visiteur devant une figure noire. Ce que je sais, c'est que ça se travaille aussi par l'indexation qu'on fait autour des cartels. Tout l'aménagement, je dirais, le dispositif muséographique aide à voir ou à ne pas voir, en fin de compte. Donc, peut-être que ce travail que nous avons fait, notamment avec le musée d'Orsay, mais qui se fait un peu partout dans le monde, il faut bien le dire, hein, y a quand même un intérêt partagé un petit peu partout sur cette question de la représentation des Noirs, si on veut aller assez vite, fait qu'on les découvre, hein, et on voit qu'ils sont très nombreux. C'est-à-dire que la présence noire, bon, parlons de la France par exemple, dans l'histoire française, est très ancienne et très présente en fin de compte. Et on peut voir ça notamment autour du travail qui a été fait sur les intitulés des œuvres d'art. C'est pas quelque chose qui est donné et qui est de toute éternité, la manière dont on intitule les tableaux. Moi, j'ai travaillé sur les changements d'intitulés dans le temps, si vous voulez. Et on voit bien qu'on pouvait avoir une figure de noir tout à fait présente dans un tableau où on ne mentionnait qu'une personne blanche finalement, qui était pourtant en proportion plus petite, hein. Et tout à coup, le 19e siècle avançant, survient, si vous voulez, la figure du noir, c'est-à-dire. Et en travaillant vraiment dans les archives, on arrive à faire modifier les labels et à réintituler, en fonction de ce que l'on voit vraiment, les deux personnages qui sont présents, la personne blanche et puis le petit personnage noir. Donc il y a voir, c'est donner les possibilités, je dirais aussi, sensorielles et intellectuelles de percevoir, hein. Donc d'aller vraiment vers le tableau et vers tout ce qu'il offre finalement à la vue et à la délectation éventuellement. Parce que c'est vrai que le cartel, ce petit texte bien à côté du tableau, oriente le regard. Absolument. Et en disant que dans ce tableau, vous allez voir un nègre, parce que le mot apparaît, hein, c'était vraiment le Absolument. Mot usité, ça transforme le regard du visiteur. Mais ces personnages d'Afrique, africains, africaines, que vous trouvez dans les tableaux au XVIIIe siècle, ont des statuts très différents. Vous arrivez à créer une typologie, parce qu'on n'est pas uniquement dans l'ornementation, c'est-à-dire la figure du petit noir qui accompagne l'aristocrate. Non, absolument. C'est-à-dire on a un certain nombre de tableaux qui représentent des pages, hein, qui sont effectivement dans des figures repoussoirs, et un petit peu faire valoir effectivement de la personnalité blanche, mais très rapidement, tout au long du XVIIIe siècle, se met en branle finalement un travail d'émancipation, je dirais, par l'image, où les figures noires ne sont plus assignées finalement à ce type de fonction et deviennent de plus en plus l'objet de portraits et d'images autonomes. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus directement dans l'enceinte même, dans le cadre du tableau, toujours articulé à une personnalité blanche qui est aristocrate la plupart du temps, mais deviennent l'objet de pastels ou d'aquarelles autonomes, d'abord sous la forme de petits formats et tranquillement même de tableaux tel que celui que l'on connaît bien quand même maintenant, qui est celui du portrait de Bellet, donc à la fin du XVIIIe siècle, par Giraudet, qui fait l'objet d'un grand tableau, grand portrait historique. Un justement. Député, Bellet, qu'on voit avec un buste, alors qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de figure blanche, mais sur ce tableau, il y a un buste, c'est celui de Rénal, l'auteur, le penseur Rénal, qui, malgré tout, étant un buste, est très blanc. Donc il y a toujours, malgré tout, un contraste. Il y a un travail, effectivement, de contraste entre les couleurs, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est anecdotique, mais ça illustre assez quand même la manière dont on se représentait les Noirs, c'est que Giraudet, donc l'artiste peintre, lorsqu'il décide de peindre le portrait de Bellet, donc qui est ce grand député noir à la Convention, choisit de lui adjoindre donc ce buste de Bellet, de Rénal, qui avait été justement, qui est un vrai buste qui a existé, qui avait été exposé quelques années auparavant, mais sous la forme d'une terre cuite, c'est-à-dire sous la forme terreuse. Et lui le transforme en un marbre blanc pour son tableau, justement pour jouer de ce contraste entre entre la peau noire et la peau blanche. Donc c'est même, en quelque sorte, là aussi, c'est ce travail de Bellet, le peintre, a été celui de transformer l'objet original pour faire entrer son projet de mettre en contraste blanc et noir au moment justement de la première abolition de l'esclavage. Anne Lafont, c'est vrai que vous êtes historienne de l'art et dès lors vous réfléchissez aux messages portés par les œuvres, mais aussi à leur création. Comment l'artiste s'empare d'un sujet et cherche à le montrer, à le diffuser. Et avec la figure du noir, il y a toute une réflexion, parce que historienne de l'art, vous avez les tableaux, mais vous avez également les textes pour travailler. Et nous allons écouter ce matin, lu en direct dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau, un texte du peintre Philippe de Champaigne, donc lors d'une conférence de juin 1670, un texte où Philippe de Champaigne donne des conseils, en fait, sur comment bien répartir les ombres dans la construction d'un tableau. Olivier Martineau. L'application des ombres pour une figure seule s'étend ensuite à plusieurs. Car lorsque les étudiants seront capables de bien raisonner une figure, la rendant correcte, ils arriveront avec bien plus de facilité à distribuer les ombres avec esprit et entente sur plusieurs. Car, comme pour faire une figure avec entente, il faut qu'il y ait une partie ombrée, aussi une ordonnance ne peut bien réussir qu'il y en ait aussi une partie dans l'ombre, laquelle, outre le repos qu'elle donne à la vue, fait avancer les figures que l'on dispose sur le devant, qui ne peuvent jamais faire un effet extraordinaire sans cet agréable artifice. Philippe de Champaigne, en 1670, qui évoque les ombres. Anne Lafont, l'historienne de l'art que vous êtes, quand vous étudiez, c'est le titre de votre ouvrage, hein, « L'art et la race », L'Africain, tout contre l'œil des Lumières, aux éditions Les Presses du Réel. Quand vous étudiez un texte d'un peintre qui parle des ombres, sachant que nous sommes dans un moment où la figure du noir est très présente dans les tableaux, quelle analyse en tirez-vous? Qu'est-ce que cela nous montre du regard de ces gens du XVIIIe siècle sur la figure de l'autre, mais du noir de l'autre? Oui, alors c'est un texte tout à fait intéressant. Faut connaître peut-être un tout petit peu le contexte. Philippe de Champaigne est un académicien, donc de l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui dans ses traditions et pour montrer que la pratique de la peinture n'était pas une pratique artisanale, mais dotée d'une réflexion théorique et donc s'apparentait finalement à la littérature, ils avaient mis en place à la fondation de l'Académie un système de conférences finalement données par les peintres à destination de leurs collègues et en même temps des étudiants, effectivement des élèves. Et là, il explique, donc ça, je dirais, un objectif normatif et pédagogique finalement, ces conférences. Et là, il explique comment, effectivement, la nécessité, pour réussir un tableau, il faut qu'il y ait des zones d'ombre et des zones claires. Et finalement, quand on rentre dans cette littérature artistique avec un prisme intéressé par la question de la race, on peut rattacher ça finalement à la question du rapport, je dirais, des blancs et des noirs, des maîtres et des esclaves, non pas pour dire que c'est ce qu'il a voulu dire, je veux pas tordre les sources, absolument pas, mais néanmoins, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'art, hein, et aux tableaux qui sont quand même des traces des rapports aussi aux autres par le biais de la vue, il est intéressant de comprendre quand même que cette question de l'ombre comme quelque chose qui est un faire-valoir, qui est une nécessité artificielle, ce sont les mots de Champaigne, pour mettre en valeur le blanc, n'est pas complètement exempte finalement des relations qui peuvent se nouer dans une société coloniale, esclavagiste, quand même, qui était celle du XVIIIe siècle. Donc c'est ce que j'ai voulu faire finalement, aller voir comment la dimension esthétique est rattachée à une histoire politique que l'on connaît bien parallèlement. D'ailleurs, dans votre ouvrage, Anne Lafont, L'art et la race, le premier chapitre est consacré à la couleur blanche. C'est intéressant, on doit se dire, vous étudiez la figure noire, mais il faut commencer par la figure blanche, parce qu'elle est essentielle pour comprendre comment les noirs sont représentés ensuite. Oui, il m'a paru tout à fait primordial de mettre en valeur le fait que la blancheur était elle aussi une construction, hein, et qu'il y avait des artifices justement à l'aide du maquillage, à l'aide des pigments, pour faire de soi finalement un blanc, et que cette mise en œuvre de la blancheur était exponentielle au moment justement du risque de métissage, en fin de compte, créé par les sociétés coloniales. Et là, si vous me permettez, j'en reviens à ce que disait Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il explique bien, en tout début d'émission, quand vous avez passé cet extrait, à quel point il n'y a pas de fixité de la race et que les mouvements de population créent des mélanges, hein, bon an, mal an, je dirais, et que par conséquent, on ne peut pas se fier à ce type de caractère, dit-il, pour penser les choses de manière pérenne. Donc je trouve que c'est tout à fait intéressant et il me semble que cette fabrique de la blancheur au XVIIIe siècle est une réponse à cette évidence que finalement, métissage, il va y avoir. Métissage, il va y avoir et nous utilisons, Anne Lafont, depuis le début de cette émission, le mot race. D'ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage, L'art et la race. Nous parlons de Claude Lévi-Strauss, c'est histoire. Vous l'expliquez dès votre introduction, c'est un mot complexe, le mot race. Et il faut juste dire dans quelle mesure vous le prenez pour étudier la figure des Africains, des Africaines dans les tableaux au siècle des Lumières. Oui, alors moi je vais vous dire très très simplement comment j'en suis venue finalement à m'interroger sur la question de la race. Je suis partie d'abord d'un corpus de représentation des Noirs, un peu naïvement je dirais, mais finalement j'ai vu que ce qui se passait justement dans la représentation des Noirs était articulé à une intelligibilité du monde à l'époque qui reposait sur les idées de race. C'est-à-dire que s'invente au moment où les premières conquêtes coloniales font la preuve qu'il y a des populations au caractère, pour reprendre les termes à la fois de l'époque et ceux de Lévi-Strauss, au caractère physique différent. Il était nécessaire de stabiliser à minima quand même tout ça pour le rendre justement intelligible et que le recours finalement à la couleur de la peau, selon en gros quatre grandes couleurs, hein, blanc, jaune, rouge et noir, pouvait être opératoire. Mais c'est une construction, c'est quelque chose qu'en plus on date très très bien de la fin du XVIIe siècle jusqu'à Linné au milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est quelque chose que l'on voit apparaître et qui est concomitant je dirais, la tranche chronologique que j'ai choisi d'étudier. Alors à ce moment-là, travailler sur la question de la race, c'était s'intéresser à la fonction finalement des personnalités ou des personnages africains et africaines dans ces tableaux, dans une construction idéologique qui devait expliquer le monde. Dès lors, vous identifiez les différentes fonctions possibles de ces figures à l'intérieur de ces tableaux. Quelles sont-elles globalement? C'est quoi les grands axes qui se distinguent? Pour le XVIIe et le XVIIIe siècle, bon, c'est vrai qu'il y a d'abord les figures, comme vous le disiez, des rois mages, mais aussi la figure de Saint Maurice, par exemple, qui est un saint aussi qu'on représente noir. Ensuite, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, les pages, les serviteurs, écuyers, chansons, toutes ces fonctions domestiques finalement que l'on voit davantage dans la peinture européenne. Il y a tout un pan de la production aussi qui est dû à des peintres voyageurs qu'on appelait, ou des peintres itinérants qui se sont rendus dans les colonies et qui ont fait des sortes d'inventaires ethnographiques mais rattachés à des scènes de genre selon des modalités plus européennes. Donc là, on voit des scènes de marché, par exemple, avec beaucoup de personnages noirs. Et puis tranquillement, je dirais que ces pages que l'on voyait effectivement dans le tableau sont devenues l'objet de portraits de personnalités qui s'étaient rendues plus ou moins célèbres dans, je pense au Chevalier de Saint-Georges, je pense à Alexandre Dumas, enfin ce sont voilà, des personnalités qui tout à coup ont donné lieu, je dirais, à des images autonomes. Et puis on a, chemin faisant, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, dans le cadre de l'abolition de l'esclavage, le sentiment que l'image peut être une alliée dans la sensibilisation des horreurs de l'esclavage, hein, de la torture, de la violence physique, morale, etc. Et pour arriver en métropole à changer les lois, les abolitionnistes se disent il faut crûment montrer ce qui se passe. Hein, et le récit n'est peut-être pas toujours aussi efficace qu'une image forte. Et à ce moment-là, on voit donc toutes ces scènes de vie de plantation dans lesquelles les Noirs sont représentés et souvent font l'objet de sévices extrêmement violents. Et bien justement, Anne Lafont, nous allons écouter une chanson qui date de 1794, La liberté des nègres, 1794 au moment de l'abolition de l'esclavage, une chanson du citoyen Antoine-Pierre-Augustin Chevalier de Peace. Elle est chantée dans l'enregistrement que nous allons écouter par Louis Martini. Le saviez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre, qu'à son rang parmi les humains, un sage déclaré intègre, il était esclave en naissant, puni de mort pour pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant le sucre éteint de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. Seriez-vous moins intéressant aux yeux des républicains blancs? La couleur tombe et l'homme reste. La couleur tombe et l'homme reste. La liberté des nègres, une chanson de 1794 qui n'a pas perdu sa force. Hein. Absolument pas. Non. C'est assez impressionnant d'ailleurs de justesse. Oui. Et quand on entend cette chanson, nous retrouvons Anne Lafont des représentations de tableaux, de gravures que vous montrez dans vos ouvrages, hein, L'art et la race, ou même dans le catalogue de l'exposition Le modèle noir au musée d'Orsay. Donc on a un écho complet, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, vous êtes historienne de l'art, mais uniquement dans le champ du pictural, du tableau. Les réflexions que vous apportez vous conduisent à aller voir toutes les sources possibles, parce que tout se fait écho. Oui, alors ça c'est peut-être la part la plus passionnante en tant que chercheuse, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas isoler la question de la représentation des Noirs, de l'histoire politique, de l'histoire intellectuelle et de l'histoire culturelle, comme vous venez de le montrer avec justement cet extrait musical, qui est donc tout à fait contemporain de la première abolition de l'esclavage, hein, donc le 4 février 1794. Donc j'imagine que cette chanson a été créée à l'issue, puisqu'il parle du décret, donc c'est... Quelques temps après. Exactement, oui, elle est, c'est Décadie 20 pluviose. Il faudrait traduire pluviose, ça. Pluviose, c'est février, voilà, et donc on est vraiment, ouais, c'est vraiment tout à fait contemporain. Donc effectivement, c'est, d'une manière générale, je crois que l'histoire de l'art a pour ambition de ne pas s'extraire d'une histoire plus générale et multiple, et que tout peut converger pour comprendre même des phénomènes exceptionnels comme sont ceux de l'art. C'est-à-dire que l'exceptionnalité n'exonère pas finalement d'une inscription dans le champ social et dans des questions qui sont beaucoup plus générales. La manière dont l'art apporte les choses peut être d'une manière plus sensible, mais n'est pas néanmoins complètement extérieure vraiment à la société contemporaine. Pour les Noirs, ça s'impose aussi parce que les sources ne sont peut-être pas aussi nombreuses que pour certains sujets. Donc on fait feu de tout bois d'une certaine manière. Donc c'est vrai que l'histoire naturelle, vraiment l'histoire des idées, l'histoire politique a compté beaucoup dans la manière dont j'ai travaillé cette question-là. Et les liens eux-mêmes, je dirais, des auteurs, mais aussi des figures et des différents milieux politiques, donc de la Révolution française, ont compté beaucoup dans ma compréhension de ces figures noires qui surgissent et qui se transforment tout au long du siècle des Lumières. Oui, parce qu'on ne peut pas étudier hors du champ social dans lequel ces œuvres sont créés, et c'est ce que vous faites, vous êtes historienne de l'art, hors du contexte, parce que les Européens connaissent la figure noire, les Africains, depuis toujours. Le détroit de Gibraltar, c'est tout petit, c'est juste à côté. Malgré tout, la période que vous étudiez, c'est-à-dire celle du siècle des Lumières, le 18e siècle, est une période exceptionnelle par les transformations brutales, par les regards différents qu'elle apporte sur ces figures noires, et par les réflexions qui naissent. Alors là, on n'est pas simplement en Europe, on est partout, ça aussi qui est intéressant, nous traversons sans cesse l'Atlantique. Une réflexion de 1787 qui va nous être lue ce matin par Olivier Martineau, d'Otoba Cuguano. C'est bien ça, j'ai bien prononcé, Otoba Cuguano. Une réflexion sur la traite et l'esclavage des nègres, donc un ouvrage paru en 1787. Les Africains ne sont donc pas plus coupables que les Blancs. Les Africains ne sont donc pas plus coupables que les Blancs. Il en est donc de la diversité de couleurs parmi les hommes, comme des diverses nuances de l'arc-en-ciel. Il est donc aussi peu criminel d'être noir ou blanc que de porter un habit noir ou un habit blanc. Qu'importe lorsque l'on meurt d'être blanc ou noir, homme ou femme, grand ou petit, jeune ou vieux, aucune de ces différences n'altère l'essence de l'homme. Dans ce siècle de philanthropie, les rois s'occupent plus qu'autrefois du bonheur public. On peut donc être persuadé qu'ils ne se laisseront pas tromper longtemps par l'astuce et la politique de l'avarice, par les exagérations des colons avides et par les mensonges des vils scélérats qui commercent les Africains. On peut donc croire qu'ils déploieront toute leur bonté et toute leur sagesse dans l'examen de la cause des nègres, qu'ils écouteront les discours de la raison et de la religion, qu'ils affranchiront les esclaves et proscriront l'esclavage. Les rois actuels sont aussi supérieurs aux rois des siècles passés par leur lumière que par leur pouvoir. Ils ont aboli le tribunal sanguinaire de l'Inquisition ou restreint son autorité. L'empereur et plusieurs autres rois réforment les abus qui accablaient les peuples. Leurs principes d'humanité les conduiront à améliorer les législations civiles et criminelles et à abolir la traite des Africains et à défendre la servitude. Olivier Martineau qui nous disait un extrait d'un ouvrage de 1787 qui a été traduit en français en 1788. C'est un ouvrage anglais à la base. Réflexion sur la traite et l'esclavage des nègres d'Otoba Cuguano. Dites-nous, Anne Lafont, ce matin, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous vous écoutons sur cette réflexion, moi, qui me fascine, de dire, quand on regarde dans nos musées, sur les tableaux, les Noirs, les Africains, les Africaines sont partout, en fait, mais on ne les voyait pas. Aujourd'hui, on les voit de nouveau. Et quand nous écoutons cet extrait du XVIIIe siècle, nous sommes troublés parce que ce discours nous parle à nous aujourd'hui. Vous, en tant qu'historienne d'art sur le temps long, vous devez être surpris par la vigueur intellectuelle contre le racisme, et c'est pas le même racisme qu'aujourd'hui au XVIIIe siècle. En fait, ce texte est encore valable, quoi. Il est donc aussi peu criminel d'être noir ou blanc que de porter un habit noir ou un habit blanc. Oui, non, c'est vraiment un texte, l'ensemble du texte. Hein, c'est une cinquantaine de pages. C'est un texte remarquable, remarquable sur tous les plans, parce que c'est donc un jeune homme qui est enlevé à l'âge de 13 ans du Ghana, qui est par une compagnie de traite des esclaves anglaise qui l'envoie à la Grenade, où il sera, si je me rappelle bien, esclave pendant un an, hein, à peu près. Mais il a le temps quand même de faire la traversée, bon, la capture, la traversée, et puis effectivement le temps d'esclavage dans la plantation. Et ensuite, il sera en fin de compte pris d'affection par un Anglais qui le ramènera en Grande-Bretagne, où il sera pris, employé comme domestique par un couple de peintres, Richard et Maria Cosway, qui sont des peintres très connus, hein, qui travaillent, lui travaille pour le prince de Galles, qui sont des miniaturistes, des graveurs, etc. Maria Cosway est celle qui a été la compagne, en quelque sorte, de Jefferson. Donc, ce couple l'invite à s'instruire et à écrire ses mémoires. Et donc, ce texte est tiré de la première partie, ce sont ses mémoires, dont son expérience d'esclave. Et la deuxième partie, c'est une réflexion sur le crime des nations européennes et des colons dans le cadre de l'esclavage. Et il utilise tous les arguments des Lumières, c'est un auteur des Lumières européennes, tous les arguments des Lumières pour disqualifier finalement l'esclavage. Et il parle bien des vils agents cupides de l'esclavage qui font ça au nom de l'argent, hein, qui exploitent donc les Africains au nom de l'argent. Et il parle de diversité, effectivement, ce qui fait complètement écho au terme qu'on emploie aujourd'hui même pour parler de nos sociétés. Il parle de diversité et il utilise aussi, il exhorte finalement la Grande-Bretagne en l'occurrence, d'utiliser la raison et la religion pour se défaire et de la traite et de l'esclavage. Et c'est là où il était un petit peu audacieux. Ses contemporains, en général, s'opposaient à la traite, sous prétexte que faire commerce d'hommes et de femmes, c'était ignoble, mais pas forcément tout le temps à l'esclavage. C'est-à-dire que c'était encore quelque chose qui restait acceptable, en quelque sorte. Et lui, d'entrée, dit, par son expérience notamment, que l'un et l'autre doivent disparaître, et qu'une nation qui se dit et chrétienne et qui relève du droit naturel ne peut tolérer, finalement, même dans ces colonies, une telle pratique ignoble. Je trouve que c'est, voilà, on a la chance, on ne pourrait plus, normalement, écrire l'histoire des Lumières européennes sans prendre en compte, donc, le témoignage et l'essai théorique de Coaganou. Oui, d'autant plus important qu'en étudiant les figures africaines, africaines dans nos musées, on en voit partout et ce regard multiple, en fait, nous intéresse nous aujourd'hui. Le visiteur du musée n'a pas le même regard sur ces tableaux si c'est un Parisien complètement détaché de toutes ces considérations-là ou s'il est lié à une famille de planteurs ou d'armateurs nantais ou bordelais, peu importe. Et ces regards... Je réagis juste à ce que vous disiez, mais comme ça, enfin, quand on regarde bien, chaque famille française a un lien, non pas un lien coupable, mais un lien avec l'histoire coloniale, en fin de compte. Quand on regarde vraiment bien, moi je fais le test souvent auprès de mes amis, bon, moi j'en ai une immense, mais même à un degré divers, finalement, l'histoire coloniale de la France sur la très longue durée et dans toutes ses facettes, il est très rare qu'une famille française y échappe complètement. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est... On est impliqués tous dans cette histoire commune et ça n'est pas nécessairement dans un rapport coupable à ça, mais un rapport conscient à ça. Quoi. Donc je pense que si vous voulez, vous m'interrogez un petit peu au début sur le parcours du visiteur d'aujourd'hui, s'il est nécessaire d'avoir vécu quelque chose pour en ressentir tous les ressorts, je crois que chacun peut regarder sans remonter plus loin que 3 générations et il y a un moment où l'histoire personnelle croise l'histoire coloniale de la France. À la fond, c'est magnifique parce que ça va donner des sujets de conversation lors des prochains repas de famille, mais c'est vrai que c'est quelque chose à pour tenter. L'épiphanie. Voilà, pour l'épiphanie, c'est très bien. Ben, comme ça, on retrouvera les rois mages. On retrouvera les rois mages. Mais essayer de trouver quel lien dans nos familles nous relie à un moment ou à un autre à la colonisation. Bon, pour le moment, le temps d'y penser tranquillement. Nous allons écouter Myriam Makeba. Myriam Makeba, chanteuse sud-africaine qui, en 1967, interprétait Joli Como. Et c'est toujours magnifique, Myriam Makeba. Annette's song is a South African song, like most of our songs. It comes from Pondaland. In the olden days, the young Xhosa maidens often sang this song in praise of the young Xhosa braves as they would get ready to go out into battle. We call this song Joli Nkomo. Joli Nkomo chona, achamile amachota. Joli Nkomo chona, achamile amachota. Hosi chamini chingane joli kau. Si chamini chingane chole, kau chole kalo. Joli Nkomo chola, achamile amachota. Joli Nkomo chola, achamile amachota. Si chamini chingane chole, kau chole kalo. Si chamini chingane chole, kau chole kalo. Oya shishima, shishima. Oya shishima, shishima. Oya shishima, shishima. Oya shishima, shishima. Oya shishima, shishima. Oya shishima, shishima. Oya shishima, shishima. Oya shishima. Myriam Makeba, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Nouguier, avec aujourd'hui à la technique Jean Guilin. Mais aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous faisons un petit tour au siècle des Lumières, le 18e siècle, avec l'historienne de l'art Anne Lafont, justement pour faire la lumière sur les exclus de l'histoire de l'art, sur les femmes et sur les Noirs. Dans votre démarche, Anne Lafont, vous étudiez toutes ces représentations. Est-ce que vous avez été surpris de découvrir découvrir autant de figures d'Africains et d'Africaines dans les tableaux, allez, on va dire même 17e, parce que vous avez un regard très large, jusque même 19e siècle. Vous avez été surprise de cette présence ? Oui, j'ai été très surprise et je dois dire, peut-être pour parler quand même, même d'expérience avant moi, on connaît une grande entreprise qui avait été celle des Ménil, hein, un couple installé à Dallas qui a fait cette grande collection sur l'image du noir dans l'art occidental. Et c'est au moment des droits civiques, c'était des Français exilés donc au Texas, et ils commencent cette collection, ils se disent, bon, il faut qu'on montre que le lien des Noirs et de l'art est très ancien, on va faire une collection d'images que l'on publiera avec des représentations de Noirs. Et ils prévoyaient 1 ou 2 ans, et c'est un projet qui court toujours, c'est-à-dire qu'on est près de 50 ans plus tard, et Harvard a repris ce grand projet et continue d'y travailler. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre cette boîte, hein, c'est sans fin. Parce que finalement, c'est très dur de définir un noir. Les contours sont tout à fait flous et redéfinis à chaque époque. Et en plus, ça croise l'histoire du monde. Donc nécessairement, on ne peut en finir finalement avec ce projet-là. C'est aussi la raison pour laquelle il faut requalifier la question en fonction des époques. C'est un petit peu dans cette perspective que j'ai choisi de m'interroger sur la race, si vous voulez. Parce que parler des Noirs, je pouvais faire un livre de 1000 pages qu'avec des illustrations, sans avoir rien dit. Donc il fallait poser la question autrement, finalement, pour avoir un projet d'une intervention qui soit un petit peu plus savante et intéressante, finalement, sur un corpus très divers qui va bien au-delà de ce que j'ai pu montrer dans ce livre-là. L'art et la race, l'Africain, tout contre l'œil des Lumières, faut préciser, hein, l'Africain, tout contre, le tout est entre parenthèses. Tout contre l'œil des Lumières, Anne Lafont, c'est le titre de votre ouvrage aux presses du Réel. Justement, il y a un rapport très particulier à l'homme et à la femme noire selon que l'on définit la race simplement à une différence de couleur de peau ou que ce soit quelque chose de théorisé, de scientifique avec une hiérarchisation. Et ce sont ces ruptures-là aussi qui changent le regard que l'on peut avoir sur tous ces tableaux. Oui, il y a des temps dans la représentation, dans la perception que l'on peut avoir des Noirs, et il y a des temps où la fixation se fait davantage sur les traits physiques de manière superficielle ou épidermique, on pourrait dire, hein, autour de la couleur de la peau, où ça devient vraiment le lieu de manifestation finalement de cette altérité. Et il y a d'autres temps où on se méfie justement du fait que cette couleur peut s'estomper avec les générations, hein, on en a conscience, par le mélange précisément, et qu'il faut donc aller chercher plutôt dans les os et dans la l'ossature, hein, du crâne, du corps, une différence qui serait, elle, plus fiable, hein, et que l'on pourrait toujours retrouver pour être sûr de qui est soi et qui est l'autre. Hein. Donc ça, on le voit très facilement, mais c'est sous une forme de balancier. À la fin du XVIIIe siècle, on est plus dans une détermination de cette altérité autour de la question de l'ossature, hein, mais la couleur reviendra tout au long du XIXe siècle, et notamment autour de Gobineau. Donc il y a, c'est un balancier finalement, puisque comme le disait encore une fois Lévi-Strauss, c'est complètement fabriqué, hein, cette racialisation finalement des individus, on est obligé d'aller chercher des arguments pseudo-scientifiques pour ancrer finalement les différences des uns et des autres. Donc à telle époque ça va être la couleur de la peau, à d'autres les os. À d'autres, les os, la forme du visage, les comparaisons, parce que vous montrez, Anne Lafont, énormément de ces planches où l'on compare les différents types possibles d'humains, évidemment reliés au singe, parce que c'est tellement parlant, tellement simple, tellement frappant. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous pose problème et qui oblige à porter un nouveau regard sur le modèle noir. Et je reprends ce titre d'une exposition au musée d'Orsay d'il y a quelques mois et qui a changé le regard qu'une institution française, le musée d'Orsay, prenne comme sujet d'une grande exposition, une exposition événement, le modèle noir. Vous avez tout à fait raison, c'est un grand événement. C'est-à-dire que c'est un grand événement, je dirais, pour les musées, dans le sens où une institution Beaux-Arts, centrale quand même, s'il en est une avec le Louvre, c'est bien le musée d'Orsay, décide de s'intéresser à cette question de la représentation des Noirs et à mettre l'accent en parallèle de l'histoire de l'esclavage sur son fond qui est celui vraiment de peinture et de chef-d'œuvre et essayer de montrer qu'il y a eu une histoire de France et une histoire noire qui est racontée justement par les œuvres d'art. Donc c'est un événement de ce point de vue-là. Et c'est un événement public quand même. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup promenée dans l'exposition à laquelle j'avais collaboré en partie, mais en tout cas j'ai été beaucoup spectatrice aussi. Le public des musées, que je fréquente quand même habituellement beaucoup, était transformé, emballé, interrogé, suscité vraiment, enfin cette exposition a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup d'intérêt. Donc c'est un moment inaugural en France. Il y avait eu des précédents, je dirais, un petit peu à l'étranger sous des expositions du même ordre. C'est tout à fait inaugural en France et ça a eu lieu. C'est-à-dire que ça n'est pas un coup manqué du point de vue institutionnel et du point de vue public. Voilà, avec parmi tout ce qui a pu être créé autour de cette exposition, l'idée même de donner un nom à ces modèles qui n'est plus simplement le nègre ou la négresse, mais qui devient un personnage qui est réel, qui est incarné, dont on a retrouvé la trace dans les archives. Anne Lafont, dans votre démarche d'historienne de l'art, il y a tout cet intérêt dont nous parlons depuis le début de l'émission sur ces exclus de l'histoire de l'art qui l'ont longtemps été, mais on peut dire aujourd'hui que les choses ont clairement changé entre vos travaux, les expositions et puis les travaux de tous ceux qui réfléchissent à la question. Vous avez, vous, commencé par d'autres exclus qui sont les femmes. Les femmes exclues de l'histoire de l'art. Juste comme un clin d'œil, un extrait du film Portrait de la jeune fille en feu, un film de Céline Sciamma de cette année, enfin de l'année dernière, non, 2019. Découvrez votre gorge. Encore. Vous ne perdez pas de vue mon futur époux ? Vous peignez des modèles nus aussi ? Des femmes, oui. Pourquoi pas des hommes ? Je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce que je suis une femme. C'est une question de pudeur ? C'est surtout une façon de nous empêcher de faire de la grande peinture. Sans notion de l'anatomie masculine, toute la gamme des grands sujets nous échappe. Comment faites-vous ? Je le fais en secret. Toléré. Portrait de la jeune fille en feu, un film de Céline Sciamma, prix du scénario au Festival de Cannes 2019. Anne Lafont, vous êtes l'auteur de Plumes et pinceaux, discours de femmes sur l'art en Europe 1750-1850. Quel est ce lien qui vous fait passer des femmes au noir? Moi, j'ai envie de dire ces exclus de l'histoire de l'art qui ont longtemps été complètement effacés, gommés. On a voulu nous les rendre invisibles. Oui, alors comment je passe de l'un à l'autre, en fait, ça paraît en termes de restitution d'être l'un après l'autre, mais en fait, j'ai mené les deux de front. Je dois dire que le travail sur les femmes était un travail plus collectif et institutionnel, donc j'ai mené au sein de l'Institut National d'Histoire de l'Art, alors que la question de la race et liée au noir était plus personnelle. Mais je crois que fondamentalement, ce qui les relie, c'est d'abord de procéder par question, c'est-à-dire que je me suis interrogée sur l'absence de femmes dans les discours sur l'art, dans l'historiographie, je dirais, canonique, en quelque sorte. Et j'avais envie de fouiller davantage pour voir pourquoi il n'y avait pas de femmes. Et ce faisant, j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup. Et ensuite, peut-être d'une manière, si on veut monter un tout petit peu quand même la question, c'est entrer en histoire de l'art par des questions politiques. C'est-à-dire, ces deux recherches se sont nourries l'une l'autre en termes méthodologiques. Comment on transforme une interrogation politique, mais au sens le plus élémentaire du terme, hein, où sont les Noirs, où sont les femmes, pourquoi n'y en avait-il donc pas au XVIIIe siècle et au XIXe siècle? Comment on s'arme méthodologiquement pour en faire un projet disciplinaire, un projet de recherche savante, scientifique, et non pas juste quelque chose qui reste à l'état d'émotion. Ça a été très important pour moi. Et il se trouve que l'historiographie sur la question des femmes était beaucoup plus avancée que celle sur la représentation des Noirs. Et donc j'ai fait mes armes un peu là-dessus pour pouvoir ensuite aborder la question de la représentation des Noirs en étant beaucoup plus armée méthodologiquement finalement dans le cadre de ce chantier-là. Mais dans les deux cas, si vous voulez, juste pour dire une chose, parce que Je ne les définis pas comme les exclus de l'histoire, ce qu'ils sont de fait ou ce qu'ils ont été. Je suis d'accord avec vous, les choses changent beaucoup, mais plutôt comme des questions qui motivent des recherches nouvelles et des méthodes aussi de travail un petit peu renouvelées de la discipline histoire de l'art. Oui, cette méthode nouvelle, enfin ces nouvelles approches sur ces nouveaux objets d'études, que ce soit les Noirs ou les femmes, Anne Lafont, nécessite effectivement une posture pour se confronter, en fait, dans les deux cas, à des schémas de domination. C'est ce que ce soit pour les femmes ou pour les Noirs, on a quelque part les mêmes grilles de lecture. Oui, c'est quand même très différent, mais il y a un rapport manifeste, évident, à la domination, oui. L'idéologie de la domination. Absolument. Qui s'impose, oui, dans les deux cas, et qu'il faut contextualiser, et qui se transforme sans cesse. Et bien justement, en écho à cette histoire des femmes, Anne Lafont, nous allons retrouver tout de suite Anaïs Quien. Anaïs Quien qui arrive avec sous le bras son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans le journal de l'histoire, deux initiatives en vidéo sur l'histoire des femmes. On commence par un web documentaire de David Niget, Véronique Blanchard et Arnaud Misselli consacré aux mauvaises filles. Ces femmes qui, parce qu'elles étaient femmes, ont été jugées un peu trop remuantes, alors que nées hommes, elles auraient probablement bénéficié d'un certain vernis du fait de leur impertinence au sein de leur époque. Les mauvaises filles sont les invisibles de l'histoire. Pourtant, elles incarnent bel et bien des figures de la révolte contre les normes sociales et les normes de genre. Traditionnellement perçues comme des victimes au XIXe siècle, filles perdues, recluses dans les bons pasteurs pour y être préservées, les adolescentes, sous le regard de la justice des mineurs au XXe siècle, se muent en rebelles. Elles sont rétives à l'ordre sexuel, révoltées contre les règles du patriarcat, incorrigibles au sein des institutions de rééducation, insoumises à l'égard de la discipline sociale. Mauvaise fille, incorrigible et rebelle reprend les travaux de Véronique Blanchard et David Niget publiés en 2016. Le web documentaire est construit autour de témoignages de femmes, une mise en voix et en espace des archives théâtralisées, des parcours dans les maisons de correction, dans les asiles, en passant par les services de police et les tribunaux. 9 portraits de jeunes filles jugées déviantes de 1840 à nos jours. Tous ne sont pas encore en ligne, mais un des premiers est d'ores et déjà accessible, incarne Marie, fugueuse, que son père prétend dompter pour qu'enfin elle devienne utile à la société. Ça fait rêver. Une association du spectacle vivant et de la recherche historique, souvent pertinente, alors cliquez. Elle pourrait s'appeler Patricia. Patsy. Elle pourrait s'appeler Jeanne. Elle pourrait s'appeler Émilienne. Elle pourrait s'appeler Camille. Elle aurait 16 ans en 1958. Elle aurait 15 ans. Elle pourrait s'appeler Elisabeth. En 1895. Elle pourrait s'appeler Virginie. Elle pourrait s'appeler Victoire. Elle aurait 17 ans. Pour poursuivre sur la piste de l'histoire des femmes, le laboratoire de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, l'IHMC, propose de courtes vidéos animées par Marine Carcanag, qui prend la question des inégalités à bras-le-corps pour en retracer l'histoire en interrogeant ses congénères. Chaque épisode présente les inégalités sexuées que les chercheuses et chercheurs ont rencontrées au cours de leurs travaux. On y trouvera Emmanuel Rimbold sur le statut des veuves de guerre de la Première Guerre mondiale. Les veuves de prisonniers sont écartées et les allocations versées sous condition. Le calcul est effectué en fonction de la nature de la mort du soldat et une moralité irréprochable est exigée de la part des bénéficiaires. Nicolas Offenstadt présente le travail des femmes en Allemagne de l'Est, très valorisé avant la chute du mur, sans que cela n'influe pour autant sur les salaires toujours inférieurs à ceux de leurs collègues masculins. Les bénéfices du régime socialiste se trouvent dans les facilités de garde, de logement, d'emploi, qui disparaissent avec la guerre froide. Les femmes en Allemagne sont parmi les premières victimes du démantèlement du système communiste. Dans chaque épisode, un chercheur ou une chercheuse vous présentera un aspect des inégalités entre les hommes et les femmes rencontrées dans le cadre de ses activités scientifiques. Il sera question dans cette série d'inégalités politiques, mais aussi d'inégalités professionnelles ou d'inégalités sociales. Si les femmes subissent toujours des inégalités du fait de leur sexe, leur histoire se fait, s'écrit et s'expose. À signaler également le documentaire de Callisto McNulty, Insoumuse, bientôt rediffusé pour comprendre l'importance de la vidéo dans l'histoire des femmes à travers le double portrait de Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, auteurs à quatre yeux et à quatre mains de nombreux films courts dans les années 70, dont l'inventivité et la truculence nous réjouissent encore et toujours. Merci beaucoup Anaïs qui en retrouve tous les liens pour assouvir votre curiosité. Réécoutez le journal de l'histoire sur franceculture.fr. Anne Lafont, dans le cours de l'histoire, aujourd'hui nous avons discuté autour de votre ouvrage « L'art et la race, l'Africain, tout contre l'œil des Lumières » ou aussi « Plumes et pinceaux, le discours de femmes sur l'art en Europe 1750-1850 ». Vous avez une approche politique de la question, c'est-à-dire que vos sujets historiques vous conduisent sans cesse à prendre position dans le discours public. Nous parlons des femmes, nous parlons de la place des Noirs en France notamment, mais ailleurs aussi. Sans arrêt, il y a des liens à faire. C'est toujours des questions d'appropriation culturelle, ces questions-là. Oui. Oui, ça s'est trouvé comme ça. Les questions qui m'intéressent dans les périodes anciennes éclairent, je dirais, des opinions politiques ou une manière de penser même des choix qui sont faits sur le plan politique, culturel, je dirais, qui font écho. C'est-à-dire que ma manière de penser l'histoire, c'est aussi d'éclairer un certain nombre de choses que je vois se produire aujourd'hui comme n'étant pas venues de nulle part, mais en lien plus ou moins direct, d'ailleurs, avec une histoire plus longue. Et vous ne trouvez pas que parfois les prises de position d'aujourd'hui manquent de ce regard historique qui enrichit en fait la position? Oui, en tout cas, je suis convaincue qu'il est mieux d'avoir une compréhension sur la longue durée des choses, des événements, que d'avoir une mémoire très courte dans la manière dont elle se manifeste. Ça permet en tout cas de mieux comprendre, sans forcément être moins radical dans les exigences qu'on peut avoir sur les événements d'aujourd'hui. Ce que vous disiez, Anne Lafont, hein, pas besoin de culpabiliser, de culpabilité, mais simplement de comprendre et de compréhension. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille et André, des émissions à réécouter en ligne, en podcast ou bien à nous retrouver sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Demain, nous allons continuer notre réflexion en évoquant la sexualité et l'identité du corps colonisé et le documentaire Décolonisation, mais Décolonisation avec un S au pluriel.